Chapitre 5 où la silhouette d'une jeune fille apparaît. Ce matin-là, Escander, comme tous les matins, arriva au ministère de l'Intérieur, en quête des informations quotidiennes. Il traversa le petit salon d'attente et se dirigea vers l'huissier, qui gardait l'antichambre du chef de cabinet. Ce brave homme, en voyant le journaliste, eut un sourire. Il se leva et, ouvrant une porte, disparut une seconde. Cette seconde permit au reporter de jeter un coup d'œil sur les gens qui attendaient leur tour d'être introduits. Il y avait là la clientèle ordinaire. Solliciteurs, candidats à des places promises jamais données, troupeaux lamentables qui représentent toutes les misères. Mais parmi cette petite foule, une jeune fille fixa l'intention d'Escander. Elle se tenait debout près d'une fenêtre. Grande, élancée, elle avait l'air d'une de ces statues grecques en lesquelles l'harmonie des formes s'unit à celle du geste. Des yeux splendides, au regard intelligent et un peu mélancolique, éclairaient la pâleur chaude de son visage, aux lignes calmes, que couronnait un admirable casque de cheveux noirs, fin et souple. « Que diable vient faire ici cette jeune fille ? Qui vient-elle solliciter ?» se demanda le journaliste. Mais il n'eut pas le temps de se poser une autre question. L'huissier, ressortant, lui fit signe qu'il était attendu. Le reporter entra, la porte fut refermée. « Bonjour, mon cher, » lui dit le chef de cabinet. « Bonjour, Doria, » répondit Escander. « Quoi de neuf ?»« Rien, des broutilles. » Escander prit quelques notes, puis quand il eut terminé, « Vous avez là, dans le salon d'attente, une jeune fille admirable. »« Serait-ce ma folle ?»« Une folle. »« Une femme qui dit connaître les origines de la puissance des Rajisrak. » Cela fait au moins le ou la centième piquet qui nous offre, à des prix divers, le moyen de réduire nos terribles maîtres chanteurs. Je suis curieux de voir cette folle, ou plutôt de voir si c'est la jeune fille qui attend dans votre antichambre. Je n'ai rien à vous refuser, vous la verrez, mais vous vous engagez, n'est-ce pas, à ne pas l'attendre à sa sortie. Bien entendu. Alors soyez satisfait. Le chef de cabinet appuya sur un bouton, et à l'huissier qui se présenta, « Introduisez mademoiselle Germaine Laurière. » D'un signe sténographique, Escander nota ce nom. La porte s'ouvrit, la jeune fille entra. « Êtes-vous mademoiselle Laurière ?» demanda le chef de cabinet en désignant un siège. « Oui, monsieur, » dit la jeune fille un peu tremblante, mais qui paraissait néanmoins résolue. « Mais c'est à monsieur le ministre que je voudrais avoir affaire. « Pardonnez-lui, mademoiselle. » dit Doria avec une ironie qui n'échappa pas à Escander, mais il est occupé et m'a chargé de vous recevoir. Germaine Laurière eut un mouvement de tête qui pouvait être interprété comme un signe de regret et prit le siège qu'on lui avait désigné. Sans un mot, Doria tendit la main à Escander. Celui-ci comprit que c'était un congé poli. Il salua la jeune fille et s'en alla. Mais le journaliste était trop adroit et trop averti pour laisser ainsi derrière lui les chances d'un reportage quelconque. « Si c'est une folle, pensa-t-il, un écho, dix lignes bien troussées feront l'affaire. Si c'est du sérieux, on verra. J'attends. » Il gagna l'allée qui conduit à la place Beauvau et fit les 100 pas en fumant une cigarette. Son attente ne dépassa pas 20 minutes. La jeune fille apparut, un peu rouge, marchant vite. Escander la laissa venir. Puis, quand elle ne fut plus qu'à un pas, il se découvrit. « Mademoiselle Germaine Laurière, » dit-il. « Oui, monsieur, » fit la jeune fille interdite. « Voulez-vous me permettre, mademoiselle, de vous demander un moment d'attention? Vous sortez de chez monsieur Doria, chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. Vous êtes venu pour lui communiquer une chose importante. » La jeune fille le regardait, stupéfaite. Et bien que cette chose fût importante, le chef de cabinet, qui est un bon garçon, vous a remercié des précieux documents que vous lui apportiez et vous a congédié en vous assurant qu'on vous écrirait. « Mais, monsieur, est-ce cela ?» La jeune fille baissa la tête. « Ne me croyez pas sorcier, mademoiselle, je vous en prie, » ajouta le reporter en souriant. « Mais je connais la maison, ça s'est toujours passé comme ça et rien n'y pourrait changer quelque chose. Maintenant, permettez que je me présente. Je m'appelle Paul Escander et je suis informateur au journal Le Monde. » À ce nom, la jeune fille leva les yeux. Depuis la célèbre affaire de l'aérobagne 32, le nom du journaliste qui l'avait débrouillé était célèbre, universellement répandu. Germaine connaissait l'homme et l'œuvre qu'il avait accomplie. Elle le regarda avec plus de confiance. « Faisons quelques pas, voulez-vous. J'ai idée qu'à nous deux, nous allons peut-être changer la face du monde. » Un peu subjuguée, obéissant aussi au secret besoin de confier la peine qu'elle avait ressentie de la réception qui venait de lui être faite, la jeune fille obéit. Escander l'entraîna par l'avenue Marigny vers les Champs-Élysées, tout en parlant. « Vous êtes jeune, mademoiselle, partant pleine de confiance, et vous vous êtes dit avec raison que, détentrice d'un secret, on vous serait reconnaissant de le divulguer, dût-il n'apporter qu'une faible lumière dans les ténèbres où se débat l'humanité. Mais les choses se sont passées autrement, et vous avez été reçus comme le sont tous ceux qui dérangent la sainte routine accroupie dans sa poussière. Il faut, pour remuer ces gens-là, un moyen, toujours le même. Faire du bruit, émouvoir l'opinion publique, et qui mieux qu'un journal peut le faire? Si vous avez quelque chose de sérieux à dire, si la démarche que vous avez faite est justifiée, je mets, mademoiselle, le journal Le Monde à votre disposition. » Sans s'en rendre vraiment compte, Germaine Laurière se laissait convaincre par cette franchise, et avec ses qualités de pénétration, Escander ne tarda pas à s'en apercevoir. « Êtes-vous pressée, mademoiselle ?»« Non, monsieur, j'ai jusqu'à ce soir. Je dois reprendre le train de 6 heures pour Provins. »« C'est à voir, » dit Escander à part lui. Puis plus haut. « Voici qu'il est près de midi, l'heure où, toute affaire cessante, j'ai la fâcheuse habitude de déjeuner. » Et je vous avoue que les Rajisrak eux-mêmes ne m'en détourneraient pas. Vous allez me faire l'honneur et le plaisir de déjeuner avec moi. Oh, très modestement, et nous pourrons parler en toute sécurité de ce qui vous a amené de Provins à Paris. » Germaine avait été élevée dans une grande indépendance. Elle savait qu'une jeune fille peut accepter une pareille invitation quand elle est faite par un homme bien élevé. D'ailleurs, elle avait confiance en cet homme au regard franc et droit. « J'accepte, » dit-elle. Peut-être, monsieur, est-ce la Providence qui vous a mis sur ma route? » Escander eut un sourire. Comme il était modeste, il ne dit rien, mais, in petto, il brûla un cierge à sa sagacité. 20 minutes après, tous deux étaient assis à une petite table dans un restaurant des Champs-Élysées. Là, Escander était connu et choyé. Il composa un menu délicat et laissa la jeune fille y faire honneur. Quand la glace fut tout à fait rompue, Germaine parla. «